enfants jouent dans la rue. Soudain, un bruit incongru partout s'est entendu. Il faut se précipiter vite à la maison, faut entrer sans tarder. Danger! Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Il finit sa cigarette, lentement il met sa casquette. Il se dit ça va être laid. Il démarre son engin, il se sent comme dans un train. Il ne fera pas de quartier. Ouais! Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Un vieux sage dans ma rue, je crois qu'il a tout prévu. Il s'est barricadé, reclus. Maintenant il va arriver, il faut se préparer. Vite allons tous nous cacher. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Tous les animaux dans le quartier instinctivement vite décamper. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Gros trou d'homme vient déneiger ma rue. Maintenant il est passé, tout le monde est rassuré. Personne ne s'est fait écraser. Et ce soir tout le monde dira oh non, demain il neigera. Ça veut dire qu'il reviendra. Gros trou d'or.